jamais tu es le roi des rois, tu es digne, tu es digne Seigneur, Seigneur Jésus, tu es digne, tu es digne d'être adoré, de tous nos cœurs, de tous nos cœurs, nous te chantons à jamais. Jamais.